إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc on arrive maintenant à un nouveau chapitre dans le livre de Al-Aqidat al-Wasitiyya. Aujourd'hui, c'est le cours numéro 20 dans les durus qu'on a depuis qu'on a commencé. Et on arrive au chapitre où le cheikh dit « Al-istidlal wa ala isbati asma'illahi wa sifatihi min as-sunnah ». Donc, on a terminé de mentionner les ayats que le cheikh a amené dans son livre pour prouver les noms, les différents noms et les différents attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est, wa alaykum salam wa rahmatullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué à lui-même dans le Coran. Et maintenant, on commence une autre partie dans le livre où le cheikh mentionne différents hadiths qui affirment certains des noms et certains des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et yani, donc, il explique comment on doit affirmer ces noms-là, tels que yani, Allah subhanahu wa ta'ala se les a affirmés, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment les salafs ont cru en ces attributs-là. Donc le cheikh, il dit, شيخ ابن تيمية يلزي فصل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه donc le شيخ صالح الفوزان il explique cette parole là qu'est-ce que ça signifie en premier ça signifie puis ensuite le prophète صلى الله عليه وسلم ou la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم ou du messager d'Allah explique le Coran. C'est comme une sorte de tafsir pour le Coran. Et elle clarifie donc la signification du Coran et elle exprime. Qu'est-ce que le Coran exprime? Donc, le chef, il donne une explication plus détaillée. Il dit, وَقَوْلُهُ ثُمَّ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هَذَا عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي مَا سَبَقْ وَقَدْ دَخَلَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فِي سُورَةِ الْإِخْلَاصِ أي ودخل فيها ما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فيما وردت به السنة الصحيحة لأن السنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه بعد كتاب الله عز وجل قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الآية والرد إلى الله هو الرجوع إلى كتابه والرد إلى الرسول أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته هو الرجوع إلى سنته والسنة لغة الطريقة واصطلاحا هي ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير donc le cheikh il explique que le début de cette phrase ici dans le texte et la suite de la phrase qu'il a commencé au début du chapitre lorsqu'il a commencé de mentionner les versets qui parlent des noms et des attributs qui parlent des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et donc là c'est comme s'il continuait cette phrase là en disant et également ensuite de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam donc c'est comme si il faut maintenant qu'on a mentionné les preuves dans le Coran on va mentionner maintenant les preuves de la sunna pourquoi parce que et il mentionne, il spécifie que c'est la sunna al-sahiha, c'est-à-dire c'est la sunna qui est rapportée authentiquement. Et il dit pourquoi? Parce que la sunna c'est le deuxième fondement du tashri'a. C'est la deuxième, le deuxième fondement de législation dans l'islam, après le Coran. Et en fait, il fait partie de la révélation comme le Coran, comme on va l'expliquer bientôt, Inch'Allah. Donc, le Cheikh dit, comme preuve de ça, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné et nous oblige de retourner non seulement au Coran, mais également à la Sunna. Comme il dit dans Sourate An-Nisa, le verset 59, si vous avez un désaccord sur une chose quelconque, alors rapportez-le, rapportez ce désaccord-là à Allah et à son messager. Donc ça veut dire, comme le chef l'explique, que le rapporter à Allah, ça signifie le rapporter au Coran, et de le rapporter au messager, ça signifie de le rapporter à la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam après sa mort. Et le cheikh il dit que la sunna dans la langue arabe ça signifie at-tariqa, ou le chemin, hein, et que dans la signification islamique, hein, ça veut dire tout ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit des paroles ou des actions ou des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvées. Donc par exemple, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en présence des sahaba et que quelque chose se produit et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit rien contre cette chose-là, ça veut dire qu'il l'a approuvé. Parce que s'il y a quelque chose qui n'est pas correct, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, ou bien il envoie de sa part une réaction qui montre qu'il a désapprouvé cette chose. Mais s'il n'a pas réagi, dans ce cas-là on dit qu'il l'a approuvé. C'est pour ça qu'on dit « au taqrir », c'est quelque chose qu'il a confirmé ou accepté. Ensuite, le cheikh il dit makanatu sunnah, c'est-à-dire le statut de la sunnah dans l'islam. Et bien, en réalité, la sunnah, elle vient à égalité avec le Coran dans le sens que c'est une preuve au même terme que le Coran est une preuve. Et c'est une révélation de la même façon que le Coran est une révélation. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, il ne parle pas de ses propres désirs, c'est une révélation qu'il a reçue. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quelque chose, hein, et il explique le Coran, et quand il explique l'islam, quand il montre l'exemple aux sahaba, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, ça rentre dans la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit dans un autre verset, wa anzalna ilayka al-kitab litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim. C'est-à-dire, on a fait descendre sur toi le livre pour que tu puisses clarifier. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. C'est ça. On a fait descendre sur toi le zikr, hein, pour que tu puisses clarifier aux gens ce qui leur a été révélé. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas comme responsabilité seulement de faire connaître aux sahaba les lettres, hein, dans le Coran et la prononciation des sons, mais également de leur faire connaître la signification de ces lettres-là et de ces sons-là qu'on récite et qu'on lit dans le Coran, d'accord. Et donc, c'est l'explication et l'interprétation de ces lettres et de ces mots qu'on trouve dans le Coran, d'accord. Et donc ça, c'est expliqué et clarifié par sa sunna. Et il y a beaucoup de hadiths comme ça aussi qui mentionnent que la sunna, elle est révélée comme le Coran. Par exemple, il y a des hadiths qui mentionnent et qui disent, par exemple, ala inni utitul Qur'an wa misluhu ma'ah. C'est-à-dire, on m'a donné le Coran et quelque chose de pareil avec. Hein. Il y a beaucoup d'autres preuves de ça aussi, comme par exemple, on trouve des versets dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne al-kitab wal-hikmah. Il mentionne le livre et al-hikmah. Et les mufassirin, parmi les sahaba et les autres qui sont venus après, ils ont mentionné que al-kitab c'est al-Qur'an et al-hikmah c'est la sunnah. Donc, il y a beaucoup de références à ces choses-là, même dans le Coran. Donc, il y a beaucoup de preuves de ça, comme on va donner d'autres exemples également. Donc, qu'est-ce que je fais là? C'est comme un petit résumé, en fait. D'accord? Et ceux qui rejettent la sunna, hein, ceux qui rejettent la sunna, eh bien, en réalité, c'est des kuffars. Hein, celui qui rejette la sunna authentique, il est kafir, selon ijma' des ulama. Il n'y a pas de désaccord là-dessus, à ce sujet-là, entre eux. Et le chef, il dit donc, قال فالسنة تفسر القرآن أي تبين معانيه. Ok. Donc, ça veut dire que le Coran, ça explique les significations du Coran, wa ma qasidahu, et yani les buts des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses explications et sa signification. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس ما أنزل إليه قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a clarifié pour les gens ce que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu sur le prophète صلى الله عليه وسلم de la révélation. Et il mentionne le verset, c'est le verset 44 dans sourate An-Nahl qui dit « Et on a fait descendre sur toi le zikr ». C'est-à-dire, on a fait descendre sur toi la sunna pour que tu puisses clarifier aux gens qu'est-ce qui leur a été révélé. Okay. Et le Coran, il y en a des gens qui pensent que quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la hafidhun » Il pense que ça concerne uniquement le Coran. C'est-à-dire, il pense que le verset qui dit « Nous avons fait descendre sur toi le Coran » ou le zikr, et c'est nous qui allons le préserver, il croit que ça s'applique seulement au Coran. Et c'est faux parce qu'en réalité, ça s'applique à toute la révélation, hein, et à la religion en entier. Et donc, également la sunna. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a non seulement préservé le Coran, mais il a également préservé la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? C'est pour ça que les ulama du hadith ont toujours travaillé pour purifier la sunna de tout ce qui avait été ajouté ou changé. Hein. C'est pour ça qu'on a les hadiths et qu'on connaît les degrés des hadiths avec l'isnad, hein. Que ce soit le hadith sahih ou le hadith daif, ou le hadith mourdour, ou le hadith al-hassan, les ulama ont établi une science très très précise pour justement catégoriser et détailler le degré de chaque hadith. Hein. Et l'isnad est apparu à une époque très très tôt dans l'histoire de l'islam, justement pour protéger l'authenticité de tout ce qui allait être transmis du prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite. Okay? Et donc c'est pour ça que l'imam Abdullah ibn Mubarak il dit إن الإسلام من الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد ça fait partie de la religion. Et si ce n'était pas de l'Isnad, n'importe qui allait dire ce qu'il veut. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est quand il est arrivé une fitna entre autant à l'époque des Sahaba, et bien là tout de suite, quand les gens commençaient à mentionner une parole du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens disaient سُمُّ رِجَالَكُمْ. C'est-à-dire, mentionnez c'est qui vos hommes, de qui vous avez trouvé ou de qui vous avez rapporté ces textes-là, d'accord? Pour empêcher que n'importe qui commence à dire n'importe quoi au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Celui qui invente à mon sujet un mensonge, alors qu'il prépare son siège ou sa place dans l'enfer, d'accord? Donc ça veut dire que, bien entendu, c'est une menace sévère pour quiconque veut inventer un mensonge au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça, ça nous fait comprendre en même temps que, yani, il faut faire attention lorsqu'on mentionne des hadiths, toujours essayer de vérifier l'authenticité pour pas dire à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam autre que la vérité. Et à part Al-Bukhari et Muslim, bien entendu, il y a les autres livres de hadith. Al-Bukhari et Muslim, quand ils ont écrit leur livre, ils ont mis comme condition pour leur livre que tous les hadiths qui sont dedans soient authentiques, selon les conditions qu'on va mentionner tout à l'heure. Toutefois, dans les autres livres de hadith, les ulama qui les ont rassemblés, qui les ont écrits, ils n'ont pas établi comme ces mêmes conditions-là dans leur livre. Et eux, ils rapportaient parfois même ce qui était hassan et parfois même ce qui était daif également. Et le but d'avoir rapporté ça parfois, c'est parce que eux, ils écrivaient ces livres-là pour les ulama. Hein. Donc ils savaient, parce qu'ils le rapportent avec l'isnad. Et donc les ulama, quand ils retournent à ces livres et qu'ils connaissent le ilm al-hadith et ilm al-rijal, la science des noms des narrateurs de hadith, ils sont capables de voir l'authenticité du hadith en étudiant les chaînes de narrateurs. Toutefois, qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsque les gens qui n'ont pas connu cette science, qui n'ont pas étudié cette science-là, commencent à retourner dans les livres et se réfèrent à ces livres-là, il commence à prendre n'importe quel hadith qui se trouve dans ces livres-là, que ce soit Sunan al-Tirmidhi, Sunan Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibn Majah ou d'autres, eh bien, ils ne connaissent pas la distinction entre le hadith sahih et le hadith daif, et donc ils prennent tout. Ok, et c'est ça l'erreur. C'est pour ça que, alhamdoulilah, à chaque époque, il y a eu des ulama qui ont, disons, travaillé pour servir la sunnah et la purifier et la clarifier et distinguer entre qu'est-ce qui est sahih et qu'est-ce qui est daif. Et à notre époque, on a eu la chance, alhamdoulilah, je veux dire, on a eu la, disons, la grâce plutôt d'avoir un des grands ulama qui a travaillé fort pour justement aider cette cause-là, Cheikh Mohammed Nasiruddin al-Albani. Et il a profité de beaucoup de qu'est-ce que les ulama ont écrit dans les siècles passés au sujet de la sunna. Et c'est pour ça qu'on trouve que lorsqu'il écrit sur les sujets de hadith, par exemple, s'il parle au sujet de hadith, que ce soit pour expliquer le hadith est daif ou sahih ou autre, et il prend pas le, il fait pas le, il prend pas les choses de sa tête toute seule directement. Il mentionne toujours les références et qu'est-ce que les autres ulama de hadith dans le passé ont mentionné à ce sujet-là, et il clarifie toujours, et à la fin il mentionne sa décision ou son verdict final sur le hadith, mais toujours en se basant sur une science bien établie et sur des règles bien sûr bien précises. C'est pas comme ça, comme un tour de magie là qui sort de son chapeau, comme on dit, un lapin qui… Et même les salafs, ils ont dit ça, les salafs ont dit, les gens qui ne connaissent pas le hadith, quand ils regardent les ulama de hadith comment ils travaillent, ils voient comme si c'est de la magie qu'est-ce qu'ils font, dans le sens qu'ils ne comprennent pas toute la méthode qui est utilisée pour arriver à connaître l'authenticité des hadiths. Mais par contre, toutefois, celui qui étudie cette science et qui arrive à la maîtriser, ben, toutefois pour lui ça devient clair, et il sait comment distinguer et il sait comment analyser la question plus en détail. D'accord? Donc ça c'est au sujet de la position de la sunna. Donc il y a beaucoup d'autres choses, mais on n'a pas besoin de s'attarder encore plus là-dessus. On va aller au fur et à mesure, puis le but c'est juste de comprendre qu'il faut accepter tout ce qui est rapporté de façon authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça m'amène également à noter que il y a des groupes qui ont dévié à ce sujet-là, sujet de la sunna, comme par exemple Al-Qur'aniyoun. Al-Qur'aniyoun, c'est un groupe de personnes qui disent que nous, on prend seulement du Coran et on prend pas de la sunna. D'accord? Et donc ça c'est, bien entendu, c'est des kuffars, il n'y a pas de doute sur la mécréance de ces gens-là, excepté que, ils pensent qu'ils peuvent adorer Allah subhanahu wa ta'ala et suivre l'islam seulement en se basant sur qu'est-ce qu'il y a dans le Coran, et ça c'est impossible. Pourquoi? Parce que dans le Coran, il y a seulement les règles, de base, comment appliquer la salat, c'est pas détaillé. Comment appliquer le hajj, c'est pas détaillé. Comment faire la zakat, c'est pas détaillé. C'est seulement les grandes lignes qui sont présentes dans le Coran. Si tu veux savoir les détails, comment faire ces choses-là, il faut absolument retourner à la sunna pour voir l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça c'est un exemple. Et ensuite de ça, il y a une autre catégorie de personnes qui n'ont pas rejeté la sunna en entier, ou d'un seul coup, ou directement comme ça, mais ils sont arrivés à la rejeter indirectement ou bien partiellement. Et parmi eux, on trouve les gens de Bid'a, comme par exemple les Mu'tazila, et certains d'autres groupes qui ont découlé de cette branche des Jahmiyyah, comme les Asha'ira et les Maturidiyah, et eux, ils ont divisé la Sunna en différentes catégories. Par exemple, les Mu'tazila, ils ont fait une différence entre le Hadith Ahad et Mutawatir. Ok, c'est-à-dire le Hadith qui est rapporté par un grand nombre de narrateurs, et le hadith ahad qui est rapporté par un ou deux narrateurs. Alors ils ont dit, nous on accepte seulement le hadith qui est rapporté par un grand, très très grand nombre de narrateurs, parce que sur ces hadiths-là on ne peut pas avoir un doute. Tandis que s'il y a un hadith rapporté par un ou deux, on n'accepte pas. Mais ils ont spécifié que uniquement dans les questions de aqidah. Parce que dans les questions de ahkam, les règles, comment prier, comment jeûner, comment faire le hajj et tout, ça ils acceptent le hadith ahad là-dessus, à ce sujet-là. Mais dans l'aqidah, non. toi. Parce qu'ils ont dit, bon, il faut que ce soit vraiment certain les questions d'Aqida. Donc, il ne faut pas prendre un hadith à un hadith, tout ça. D'accord? Donc, bien entendu, il n'y a pas de preuve pour ces divisions-là, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Et les ulama ont réfuté ça de plusieurs façons. Et parmi les exemples qu'ils ont donnés, c'est l'exemple que j'ai mentionné plusieurs fois, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé à différentes personnes, parfois même un seul sahabi, pour leur enseigner l'islam, et des fois deux, comme par exemple Mu'adh ibn Jabal, quand il leur a envoyé au Yémen, il les a envoyés pour leur expliquer les bases de l'aqida et les bases de l'islam. Il leur a dit, فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَدَةُ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ أو إلى أن يوحدوا الله. Donc ça veut dire il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen à des gens du livre et il a dit que la première chose à laquelle tu les appelles soit la ilaha illallah ou bien qu'ils unifient Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire que yani, il était là en premier pour commencer à leur expliquer les bases de l'aqida, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et l'unicité d'Allah. Donc ça implique qu'il était seul. Et donc si on retourne aux paroles des Mu'tazila, eh bien aucun des gens du Yémen n'aurait dû accepter quoi que ce soit des paroles de Mu'adh ibn Jabal car il était seul. D'accord? Et d'autres exemples de ça sont présents dans la Sunna à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et là, le hadith de Innama al-Amalu bin-Nafs, c'est un hadith ahad. Et puis il y en a beaucoup de, comme ça dans les ahadiths. Mais, alhamdulillah, ils ont divisé la Sunna de cette façon-là justement parce qu'ils ont réalisé que ils n'ont pas trouvé un moyen pour, c'est-à-dire ils ont vu dans la Sunna beaucoup de hadiths qui sont contraires à leur fondement à eux. Donc, pour éviter de se contredire, ils ont dit on n'accepte pas ces hadiths-là, parce qu'ils ne sont pas mutawatir. Et donc c'est une façon qu'ils ont utilisée pour rejeter le hadith. Ensuite, ils ont ramené un autre principe pour rejeter la sunna d'une partie. Une fois qu'ils ont dit par exemple, ils ont fait une division entre qu'est-ce qui est qat'i et zanni. Okay? Qu'est-ce qui est qat'i, c'est-à-dire qu'est-ce qui est certain, et zanni, qu'est-ce qui est ambigu, qu'est-ce qui est pas certain, qui implique plusieurs interprétations. Okay? Et ils ont dit donc que les hadiths ahad sont pas qat'i, et c'est seulement zanni. Et même des ayats, ils ont interprété ça comme cela, des versets dans le Coran, tout ce qui est contraire à leur fondement, parce que eux, ils basent toute leur religion sur leur raison, à l'aql. D'accord? Donc, étant donné qu'ils ont établi leurs principes sur des principes rationnels, soit disant qu'ils ont établi eux-mêmes, eh ben, tout ce qui est contraire à leurs principes logiques, ou soi-disant logiques, dans leur aqidah, eh ben, ils ont dit ça, on l'interprète d'une autre façon. Donc, on fait le ta'wil. Et on change sa signification. Donc, ça, c'est une façon qu'ils ont utilisée pour par la suite, même quand ils ont accepté quelque chose, même dans le Coran, pour le changer, sa signification. Pour faire en sorte que ça soit en accord avec leurs principes et leurs aqidah. Donc, bien entendu, yani, c'est une shubha. Et donc, pour eux, la base, c'est pas la révélation, c'est pas le Coran, c'est pas la sunna. La base, c'est l'aql. Même la sha'ara, les noms et les attributs qu'ils ont établis et qu'ils ont acceptés, c'est pas basé sur le Coran et la sunna. C'est pour ça qu'ils en affirment seulement 7. Hein, et certains en affirment 13, et d'autres 20, et d'autres 20, et d'autres 21. Hein, par exemple, les maturidiyas, ils en affirment, ils divisent les attributs en 7. Il y a les 7 en premier, ensuite il y a les 5 principes qu'ils ont dit, al-baqa, wal-mukhalafa anil-hawadith, wa al-wahdaniya, et puis après il y a d'autres, et après il y a al-wujud aussi, puis après ils ont ajouté 7 choses qu'ils appellent al-ahwal. Donc ça fait 21, et puis après ils ont nié ou affirmé le contraire de toutes ces choses-là, donc ça fait x2, puis en tout cas en tout ça fait 50, Donc si tu calcules tout ça, là, ça fait 50. Je les ai en haut, je vais les apporter la prochaine fois. De toute façon, c'est pas important. On veut pas connaître les détails de leur égarement, mais qu'est-ce qu'on veut savoir? C'est juste, disons, qu'est-ce qui est les fondements de la sunna et comment comprendre les bases de l'aqida des salaf. Et lorsqu'on a connu l'haq, inshallah, et les bases, qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la sunna, après, par la suite, on va être capable de savoir facilement le batil, qu'est-ce que ces gens-là ont rapporté et comment le réfuter, inshallah. Mais de connaître ces détails de leur aqida, ça peut également nous aider à savoir yani comment ils ont dévié, comment ils ont, c'est quoi leur conception de ces questions-là dans leur aqida à eux. Donc ensuite le cheikh il dit, donc on va continuer l'explication du cheikh, il dit والسنة أيضا تبين القرآن أي توضح مجمله كالصلاة والصوم والحج والزكاة وغالب الأحكام التي تأتي مجملة في القرآن وتبينها السنة. Donc il explique que le Coran il clarifie qu'est-ce qui est disons général dans le Coran, comme par exemple les règles générales. Quand Allah parle de la salat, il parle de la salat en disant établissez la salat. Mais Allah il ne dit pas les détails de ça. Et donc la sunna elle clarifie les détails de ça. Et il donne l'exemple aussi pour le jeûne du Ramadan, pour le hajj, pour la zakat, et pour la plupart des règles dans la charia. Donc ça, tout ça c'est clarifié par la sunna. Ensuite le cheikh dit wa sunna aydan tadullu ala al-Qur'an wa tu'abbir anhu. أي تدل على ما دل عليه القرآن وتعبر عما عبر عنه القرآن. Donc la sunna elle exprime qu'est-ce qui est dans le Coran. Des fois elle donne plus de détails de qu'est-ce qui est au sujet de qu'est-ce qui est dans le Coran. Et donc فتكون موافقة للقرآن فيكون الحكم مما دل عليه الكتاب والسنة كأسماء الله وصفاته. نعم. Donc يعني il dit que parfois il se peut que on trouve dans la sunna des choses qui sont disons déjà dans le Coran, et parfois tu trouves dans la sunna des choses qui ne sont pas mentionnées dans le Coran mais qui sont disons des choses supplémentaires, des informations supplémentaires à qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran. Et il y en a qui disent on va juste, on accepte seulement de la sunna qu'est-ce qui est dans le Coran, et ça c'est pas correct, parce que le Coran il y a des choses qui sont mentionnées dans la sunna qui ne sont pas mentionnées dans le Coran. Il faut y croire autant qu'on croit à qu'est-ce qui est dans le Coran, d'accord, c'est obligatoire d'y croire même si c'est pas dans le Coran. Donc ça c'est important à comprendre. Et parmi les choses de ce genre, il y a les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Il y a des attributs qui sont dans la sunna, qui sont pas mentionnés dans le Coran, et il faut les accepter, il faut les affirmer, de la même façon qu'on affirme ce qui est dans le Coran. Ensuite, le cheikh il dit, وَمَا وَصَفَ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِهِ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلْ مِنَ الْأَحَادِيثَ السِّحَاحِ التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. Donc c'est ça, le cheikh il dit que ce que le prophète sallam a décrit, les termes par lesquels il a décrit son Seigneur parmi les hadiths qui sont authentiques et que les gens de la connaissance du hadith ont accepté, il est obligatoire de croire en ces hadiths-là et de croire en ces attributs-là. Le cheikh explique cette parole-là en disant قوله وما وصف إلى آخره مبتدأ خبره قوله وجب الإيمان بها كذلك أي كما يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه في القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف ربه عز وجل بقوله وما كما وصفه ربه عز وجل بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فالسنة التي نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله كما قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة والكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة فيجب الإيمان بما ورد في السنة لا سيما في باب الاعتقاد. قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Donc le cheikh il dit que il est obligatoire de croire tout ce qui est dans la sunna, comme c'est obligatoire de croire en ce qui est dans le Coran à propos des noms et des attributs d'Allah, parce que yani le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit Allah subhanahu wa ta'ala par la révélation qu'Allah lui a donnée. C'est pour ça qu'Allah il décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant qu'il ne parle pas de son désir, de son propre désir ou de ses passions, mais il parle selon la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il dit donc que la sunna est une révélation, et Allah subhanahu wa ta'ala il a dit: on a révélé sur toi, Allah a fait descendre sur toi le livre et la hikmah, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire al-hikmah, c'est-à-dire la sagesse, mais les mufassirin, les ulama ont expliqué que cette sagesse-là dont il est question dans cette ayah, c'est la sunna, c'est-à-dire c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça, et donc, il faut croire obligatoirement en tout ce qui est mentionné dans la sunna au sujet de l'i'tiqad, la croyance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. C'est que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, eh bien, abstenez-vous-en. Et donc, comme on va expliquer, on a parlé tout à l'heure des hadiths mutawatir et ahad, et en réalité pour les ulama de hadith d'Ahl-Sunnah wal-Jama'a, les ulama d'Ahl-Sunnah wal-Jama'a, ils ne font pas la distinction entre ce qui est mutawatir et ahad. L'important c'est que c'est sahih. S'il est sahih, on l'accepte, que ce soit mutawatir ou que ce soit ahad, que ce soit rapporté par un grand nombre ou un petit nombre, c'est pas ça l'important. Toutefois, les ulama, ils mentionnent également que la plupart des questions de aqidah sur lesquelles les gens de Bid'a ont divergé avec Ahl-Sunnah, hein, même si eux, ils prétendent qu'ils prennent seulement qu'est-ce qui est mutawatir, on remarque que même ces hadiths-là sont souvent mutawatir, soit dans le texte, soit dans la signification, dans leur signification. Et malgré ça, ils les acceptent pas. Donc, c'est juste en réalité une façon qu'ils utilisent pour ne pas justement essayer de trouver un point pour justement essayer de rejeter qu'est-ce qui est affirmé par Allah subhanahu wa ta'ala et par son messager. Donc le cheikh il dit: ولكن لا بد من قبول الحديث والإيمان به من ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: من الأحاديث الصحاح، والصحاح جمع صحيح، والحديث الصحيح هو ما نقله راو عدل تام الضبط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، فهو من ما اجتمع فيه خمسة شروط: عدالة الرواة، ضبطهم، اتصال السند، سلامته من العلة، وسلامته من الشذوذ. Donc الشيخ ici il explique que il faut, pour qu'on accepte le hadith et pour qu'on ait la foi en ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté, il faut que ce soit transmis par un hadith authentique, il faut que le hadith soit sahih, d'accord. Et donc c'est important, pourquoi? Parce que des fois vous allez trouver des hadiths qui parlent des attributs, des noms et des attributs d'Allah, mais qui sont daif. Et souvent les gens de Bid'ah, ils utilisent ces hadiths qui sont daif pour essayer de se moquer d'Ahl Sunnah wal Jama'ah en parlant aux gens, pour essayer de faire croire aux gens que les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'ah, on affirme des choses absurdes à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, en voulant dire: oh regardez par exemple tel hadith, il y a telle affirmation de telle chose dans ce hadith là, et ces gens là ils croient à ça. Et par exemple ce hadith là il n'est pas authentique. Donc dans ce cas là nous on leur répond et on leur dit: non, il y a une condition pour qu'on affirme des attributs à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que le hadith soit sahih. Si le hadith n'est pas sahih, il n'est même pas accepté comme une preuve dans l'affirmation des noms et des attributs ou de n'importe quelle autre chose dans l'islam, d'accord. Et je vous ramènerai la semaine prochaine des exemples de hadiths daïfs qui sont mentionnés au sujet de, des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Cheikh Mohammed ibn Uthaymeen, il en a mentionné dans son livre Qawa'id al-Mufla, il a mentionné une série de hadith que les gens de Bid'a utilisent souvent comme Shubha pour essayer de faire ta'wil des attributs et des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on va mentionner ça la prochaine fois, Inch'Allah. Le Cheikh il dit, donc il faut que le hadith soit sahih, et le Cheikh Al-Fawzan, il a mentionné les conditions du hadith sahih. C'est quoi les conditions pour qu'un hadith soit considéré comme étant sahih? Il a mentionné les 5 conditions. Première condition, il faut que les narrateurs soient des gens fiables, honnêtes, qui sont des gens qui n'ont pas de fisq, qui n'ont pas de bid'a, hein, qui ne sont pas connus comme étant des gens qui font des choses haram ouvertement et qui font des bid'a ou qui appellent à une bid'a, hein, des choses comme ça. Les ulama, quand ils trouvent qu'un narrateur est comme ça, ils n'acceptent pas son hadith. Il faut également qu'il ait adopte tam, c'est-à-dire il faut que cette personne-là ait une mémoire qui est vraiment, vraiment forte. Il faut qu'il ait une forte mémoire, qu'il est capable de mentionner le hadith par mémoire comme ça sans jamais faire d'erreur. Hein. Et c'est ça le sanad. Ça c'est une autre condition, c'est la troisième condition, c'est qu'il faut que la chaîne de narrateur, il n'y ait pas de coupure dedans. Il faut que la chaîne soit continue, hein, que ce soit transmis d'une personne à une autre, à une autre, à une autre, et que ces personnes-là soient capables de prouver qu'ils se sont réellement rencontrés, hein, ils se sont réellement rencontrés physiquement. Hein. Et donc, si par exemple on regarde dans une isnad et on voit que une personne, un tel narrateur, il est mort avant que l'autre soit au monde, mais là tout de suite on va savoir qu'il y a une coupure dans cette isnad, et donc on va dire non, ce hadith-là, on ne peut pas l'accepter, il y a une coupure. Hein. Et donc il y a aussi d'autres choses aussi, il y a des choses qui peuvent venir, il y a des détails, beaucoup de détails sur ces questions-là, et ça vous retrouvez ça dans les livres de Mustalah al-Hadith, qui décrit, qui explique en détail les significations de chacune de ces conditions-là. Okay. Après, il y a le numéro 4 qui dit « Salamatuhu min al-illa ». Yani, « Salamatuhu min al-illa », c'est-à-dire que al-illa, parfois il y a une chaîne de narrateur, quand tu la regardes, elle est correcte. Tu vois pas de coupure, tu vois rien. Sauf que il y a un défaut dans cette isnad, mais seulement les gens qui sont vraiment spécialisés et vraiment calés dans la science des hadiths sont capables de remarquer qu'il y a des erreurs dans cette isnad, il y a des problèmes dans l'isnad, ok, et ça c'est seulement une catégorie vraiment forte et spécialisée des ulama de hadith qui arrivent à découvrir ces ilal-là qu'on appelle, et il y a des livres même qui s'appellent Ilal al-Hadith, écrits par certains des ulama al-Hadith justement. Ensuite, il faut pas qu'il y ait de chouzouz, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut pas que ce hadith, il faut pas qu'il soit en contradiction avec d'autres hadiths qui sont plus authentiques que lui. Hein? D'accord? Donc ça c'est des exemples de conditions que les ulama ont rapportées pour que le hadith soit considéré comme étant sahih. Ok? Et le cheikh il dit « وقوله تلقاها أهل المعرفة بالقبول » نعم أي قبلها وأخذ بها أهل العلم بالحديث فلا عبرة بغيرهم. ثم ذكر الشيخ أمثلة مما ورد في السنة من صفات الله عز وجل فقال. Donc le cheikh il dit que, ensuite l'imam Ibn Taymiyyah a dit, et ce sont des hadiths, il faut que ce soit des hadiths qui sont authentiques, et que les gens qui sont spécialisés dans la connaissance du hadith ont accepté. Et le cheikh il dit donc, ces hadiths-là que les ulama de hadith ont acceptés, eh ben, si eux ils les ont acceptés, donc nous on doit les accepter et y croire. Et il dit, fala ibrata bi ghayrihim. ça veut dire les autres ulama qui ne sont pas spécialisés dans le hadith, que ce soit par exemple des fuqaha, ou bien des mufassirin, ou bien d'autres spécialisés dans d'autres sciences islamiques, eh bien si ils n'acceptent pas ce hadith-là, ça ne compte pas comme étant un rejet du hadith, parce qu'ils ne sont pas spécialisés dans le hadith, c'est pas leur spécialité. D'accord, donc, pour connaître l'authenticité des hadiths, il faut retourner aux savants de hadith, parce que c'est eux qui sont spécialisés dans ce domaine-là. D'accord ? Alhamdulillah. Et donc, le cheikh, il dit, par la suite, Ibn Taymiyyah a commencé à mentionner plusieurs hadiths et qui sont mentionnés et qui mentionnent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ok, on va commencer le premier hadith que le cheikh a mentionné, c'est hadith al-Nuzul, hein, hadith al-Nuzul. Donc, il dit, الحديث الأول ثبوت النزول الإلهي إلى سماء الدنيا على ما يليق بجلال الله. Donc il faut affirmer que Allah سبحانه وتعالى il descend au dernier des cieux, hein, au plus près des cieux, au ciel de la dunya, d'une façon qui lui convient, à Allah سبحانه وتعالى. Il dit فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير أو ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه. Donc ça c'est un hadith qui est authentique, parmi les plus hauts degrés d'authenticité de hadith. Il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Les degrés d'authenticité de hadith, c'est premièrement al-muttafaq alayh. Ensuite, qu'est-ce qui est rapporté par al-Bukhari tout seul, donc al-muttafaq alayh, c'est qu'est-ce qui est rapporté par al-Bukhari muslim. Ça, c'est le plus authentique. Ensuite, qu'est-ce qui est rapporté par al-Bukhari tout seul. Ensuite, qu'est-ce qui est rapporté par muslim tout seul. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui est en accord avec les conditions de al-Bukhari muslim qui ne sont pas mentionnées par al-Bukhari muslim. Et donc après ça descend comme ça, d'accord. Juste pour vous donner une petite idée à propos de ces questions-là. Donc si vous voyez un hadith qui est « muttafaq alayh », ça c'est le plus top, numéro un, plus fort degré de hadith que vous pouvez trouver dans l'islam, d'accord. Donc ça veut dire qu'il est sahih sans aucun doute. Donc le hadith ça dit quoi? Ça dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que notre Seigneur, Rabbuna, il descend au dernier des cieux, c'est-à-dire le ciel qu'on voit la nuit là, hein, c'est-à-dire là où il y a les étoiles, ça c'est Ad-Dunya, ça fait partie de ce bas monde, hein. Et ben, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il descend à ce dernier cieux là, chaque nuit, hein. Mais, donc il dit chaque nuit, mais c'est quelle partie de la nuit? C'est le dernier tiers de la nuit. Pas n'importe quelle partie de la nuit, le dernier tiers de la nuit, et il demande qui va me demander pour que je lui exauce sa demande, et qui va me demander quelque chose pour que je lui donne, et qui va me demander pardon pour que je lui pardonne. Ok, donc ça c'est la signification, disons, générale du hadith, et le cheikh l'explique ce hadith-là maintenant. Il dit « قوله ينزل ربنا أي نزولا يليق بجلاله نؤمن به ولا نشبهه بنزول المخلوق لأنه سبحانه ليس كمثله شيء. » Il dit que notre Seigneur il descend, d'accord. Et donc il dit, le chef, il descend d'une manière qui convient à sa majesté, ok. Et on croit en ça, on croit à sa descente, et on ne fait pas aucune ressemblance entre la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala au dernier des cieux et la descente d'une créature. Il n'y a pas de ressemblance entre les deux. Et donc, il n'y a rien qui lui ressemble, comme Allah dit, laisse que mithlihi shay. Non. Ah oui. Ça, on a mentionné ça dans le premier cours de l'Aqidatul Wasitiyya. C'était le mensonge d'Ibn Battuta au sujet d'Ibn Taymiyyah. il dit que lorsqu'il est arrivé à Damas, il a vu un homme qui s'appelait Ibn Taymiyyah et qu'il était sur le minbar et qu'il l'a entendu dire « Allah descend hein, au dernier des cieux comme moi je descends de ce minbar » et là il a fait les pas, il a descendu du minbar, quelque chose comme ça. Et donc on avait expliqué dans le premier cours de la série que c'était un mensonge, et la preuve que c'est un mensonge, c'est qu'à l'époque où Ibn Battuta était en Syrie, Ibn Taymiyyah était déjà rentré en prison. Hein. Donc, et puis, à cette époque-là, quand Ibn Taymiyyah est rentré en prison, il n'est pas sorti, il est mort en prison. Donc, ça prouve que c'est un mensonge, une chose inventée à son sujet. Et en plus, si tu retournes au livre d'Ibn Taymiyyah et aux écrits, tu vois qu'il n'a jamais dit une parole semblable. Et au contraire, même, il le nie. Donc, si c'était vrai, Annie, on retourne à ses livres et on voit que c'est un mensonge encore. Donc, non seulement c'est un mensonge du fait que Annie n'était pas présent à cette époque-là, et de plus, Ibn Taymiyyah n'était pas un khatib dans les mosquées. Il ne faisait pas de khutbah. C'était pas un khatib. Il donnait des durus, hein, il enseignait, il écrivait, mais il n'était pas connu comme étant khatib. D'accord. Donc tout ça prouve que Ibn Battuta a raconté n'importe quoi. Et on a même mentionné d'autres exemples de l'histoire qui sont mentionnées dans son livre de Ibn Battuta qui montrent en réalité que ce gars-là c'est un menteur. Et Ibn Khaldun, il a mentionné des choses à ce sujet de Ibn Battuta et il a mentionné qu'il a raconté des choses vraiment absurdes dans son livre. Donc il y a plein de témoignages de ces mensonges dans plus de la part de beaucoup de ulama. Pardon? Eh non, il n'est pas adl, il n'est pas fiable dans ses paroles. Donc ça répond à cette histoire. Et donc ce hadith, il faut l'accepter, et puis il n'y a aucun problème, il n'y a aucune chose qui mérite ou qui ferait en sorte qu'on ne devrait pas l'accepter. Donc le cheikh dit « Ey, السماء الدنيا من إضافة الموصوف إلى صفته حين يبقى ثلث الليل الآخر برفع الآخر أو الآخر صفة لثلث، وفي هذا تعيين لوقت النزول الإلهي، وقوله فأستجيب له بالنفض على جواب الاستفهام، وكذا قوله فأعطيه فأغفر له، وقوله فأستجيب له أي أجيب دعوته. Donc le chef il dit que, donc il explique que le dernier cieux c'est le cieux de notre monde, c'est-à-dire de la dunya, parce qu'on sait qu'il y a sept cieux, un par-dessus l'autre, et celui qu'on voit c'est notre ciel, c'est le ciel de la dunya. Après il dit que le dernier tiers de la nuit, bon c'est juste pour dire que c'est à cette période-là que Allah descend, à ce moment-là qu'Allah descend, et ça fait partie donc des attributs des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il y a les attributs qui sont des attributs d'Allah, de son être, et il y a des attributs qui font partie des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça fait partie des attributs de ses actions. Il le fait quand il veut, hein, il le fait quand il veut, et quand il ne veut pas, il ne fait pas, d'accord. Donc, et le cheikh il dit donc que, il dit « والشاهد من الحديث أن فيه ثبوت النزول الإلهي وهو من صفات الأفعال وفي الحديث أيضا إثبات العلو لله تعالى فإن النزول يكون من العلو وفيه الرد على من أول الحديث بأن معناه نزول رحمته أو أمره لأن الأصل الحقيقة وعدم الحذف ولأنه قال من يدعوني فأستجيب له فهل يعقل أن تقول رحمته أو أمره هذا المقال. Donc le cheikh il dit que qu'est-ce qu'on veut tirer de preuve dans ce hadith là? On veut tirer la preuve que on peut affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala il descend et que ça fait partie des attributs de ses actions comme on a dit, et que en même temps il y a dans ça l'affirmation de al-ulu, que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création et qu'il est élevé et qu'il est haut, au-dessus de sa création. Pourquoi? Parce que quelqu'un, on ne descend pas excepté d'un endroit élevé. Donc il y a une réfutation dans ça pour quelqu'un qui essaie de déformer le sens de ce mot-là et pour interpréter ça comme étant la descente de la miséricorde ou la descente du commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les gens de Bida, parmi les Jahmiya, les Mu'tazila, la Sha'ira, les Maturidiya, qui ont essayé de nier ces attributs-là, eh ben, ils ont essayé de dire que c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui descend, mais que c'est sa miséricorde ou son commandement. Et le Cheikh dit qu'à la base, toute parole doit être prise à son sens réel, excepté s'il y a une preuve pour le faire sortir de son sens réel vers un sens autre. Ok? Parce que la parole est toujours prise en général dans son sens réel, tel quel. D'accord? Donc, alhamdulillah, et le Cheikh il dit, لأنه قال من يدعوني. Ça c'est la preuve que on le prend dans son sens réel. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit qui va m'invoquer, qui va m'implorer pour que je lui exauce son vœu ou sa demande. Hein? Et donc si c'est un ange, l'ange peut pas dire ça. Il y en a qui ont interprété ça comme étant l'ange qui descend. Et ça c'est pas possible. Pourquoi? Parce que l'ange peut pas dire من يستغفرني فأغفر له ومن يغفر الذنوب illallah, qui pardonne les péchés excepté Allah. Un ange ne peut pas pardonner les péchés. Donc l'ange ne peut pas descendre puis dire qui va me demander pardon pour que je lui pardonne. Et non plus sa miséricorde, ni non plus son commandement. Ça se dit pas. D'accord? Donc ça c'est la réponse aux gens de Bid'a qui nient les attributs d'Allah. Le hadith il est clair à ce sens-là. Après il dit وفي الحديث إثبات الكلام لله تعالى حيث جاء فيه فيقول إلى آخره وفيه إثبات الإعطاء والإجابة والمغفرة لله سبحانه وتعالى وهي صفات أفعال. Donc le Cheikh il dit, et également on peut affirmer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à partir de ce hadith là. Pourquoi? Parce que le hadith dit فيقول. Donc ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala va dire, hein, ça veut dire qu'il va parler, et donc ou bien il parle à chaque et il dit ça réellement. Donc ça veut dire que on peut affirmer la parole à partir de ce hadith, et on peut également affirmer le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il donne et il répond et qu'il pardonne, hein, et ça fait partie des attributs des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala également. Et le Cheikh il dit que c'est mutafakun alayh, c'est-à-dire rapporté par Al-Bukhari et Muslim, comme il l'a expliqué ici. Non. Ensuite, le Cheikh il passe à un deuxième hadith. Il dit, إثبات أن الله يفرح ويضحك. D'affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit et qu'il rit également. قوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته الحديث متفق عليه. C'est un hadith qui est متفق عليه encore une fois, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc c'est le plus authentique, le niveau le plus authentique de hadith. Ça dit que le prophète sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit de la repentance de son serviteur plus que un serviteur ou d'un d'entre vous qui, par exemple, aurait perdu sa monture lorsqu'il est dans le désert. Hein. Il a donné, le Cheikh a pas mentionné la suite du hadith. Toutefois, la suite du hadith dit qu'un homme qui serait dans le désert, par exemple, avec sa monture et sur son chameau, par exemple, il avait tout, sa nourriture, son eau, tout ce qu'il avait besoin. Et il s'est assis sous un arbre pour se reposer et il s'est endormi. Quand il s'est réveillé, quand il s'est réveillé, il n'a pas trouvé sa monture ou il a perdu sa monture. Et donc il a été sûr qu'il va mourir, là ça y est, c'est fini. Parce qu'il n'a plus d'eau, il n'a plus rien, il est en plein milieu du désert, c'est fini pour lui. Et là il s'endort, en attendant la mort, il s'endort comme ça. Et puis là il se réveille et il trouve sa monture devant lui encore. Alors imaginez sa joie. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné ça comme un exemple pour montrer que Allah subhanahu wa ta'ala il a une joie de la repentance de son serviteur, de voir que son serviteur, sa créature, revient vers lui en repentance. Hein. Et le cheikh il explique ça maintenant, il dit « Lillahi al-lam, lam l'ibtida, ashaddu farhan, mansoubun al-tamyiz, wal-farhu fil lugha al-surur, wal-ladhatu al-qalb, bitawbati abdihi, at-tawba hiya al-iqla'u an-izzamb, wal-rujou'u ila al-ta'a, biraahilatihi al-raahilatu al-naqa, alati tasluhu wa tarhalu al-hadith. » منسوب بفعل المقدر أي أكمل الحديث لأن المصنف اقتصر على الشاهد منه وهو إثبات الفرح لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وهو صفة كمال لا يشبهه فرح أحد من خلقه بل هو كسائر صفاته وهو فرح إحسان وبر فرح إحسان وبر ولطف لا فرح محتاج إلى توبة عبده ينتفع بها فإنه سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. Donc il explique le hadith que Allah subhanahu wa ta'ala a plus de joie, il explique que la joie dans la langue arabe, الفرح, c'est quoi? C'est justement de se réjouir et d'avoir, disons, un plaisir dans le cœur. Une jouissance du cœur, une plaisir dans le cœur. Et ça, bien entendu, cette description de la signification de la joie dans la langue arabe, ça c'est pour les créatures, d'accord? Et les gens de Bédaa, souvent ils se basent sur ça pour nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, ils regardent la signification d'une chose dans une créature et ils disent, on peut pas affirmer cet attribut-là pour Allah, parce que si on l'affirme pour Allah, ça implique ça. Ça implique que c'est une joie du cœur, des choses comme ça. Et on peut pas affirmer, par exemple, on peut pas affirmer la colère, parce que la colère, ça veut dire le sang qui bouille dans le corps, ou des choses comme ça. Et donc, ils essaient de comparer la colère d'une créature avec la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc quand ils voient que c'est une comparaison de ce genre entre une créature puis le créateur, et là ils veulent nier l'attribut parce qu'ils s'imaginent qu'il y a une ressemblance. Et ça c'est ça leur erreur qu'ils font. Et donc ils font le tashbih, ils font la ressemblance entre Allah et sa création, et étant donné qu'ils font le tashbih, ils essaient de s'en sauver en faisant un ta'til, c'est-à-dire en niant l'attribut par la suite. Donc ils disent, il y a une ressemblance, donc on ne peut pas affirmer cet attribut, et donc on doit déformer le sens pour lui donner une autre signification, ou bien on doit le nier complètement. On doit nier complètement l'attribut pour dire que non, c'est pas vrai. Allah, il n'a pas de joie. Et donc il démente, il traite en même temps indirectement la parole d'Allah et la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de mensonge. Et donc ça c'est une grave erreur. Donc, le cheikh il dit ensuite, il se réjouit donc de la repentance de son serviteur, et il dit que la repentance, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, la repentance de son serviteur, c'est-à-dire la tawba, c'est le retour, ça veut dire de s'enlever ou de se retirer d'un péché et de revenir à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bi rahilatihi, rahila c'est quoi? C'est une monture, comme un chameau, ou la femelle du chameau, que les gens utilisent pour faire des voyages dans le désert. Et le cheikh n'a pas mentionné le hadith en entier, mais j'ai déjà mentionné la suite. Et le but d'avoir mentionné ce hadith-là, c'est d'affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala a cet attribut-là de al-farh. Et on lui attribue à Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière qui convient à sa majesté. Et c'est-à-dire que c'est un attribut de perfection, et il n'y a pas de ressemblance entre la joie d'Allah subhanahu wa ta'ala et celle de ses créatures, comme le reste de ses attributs. Tous ses attributs, c'est pareil. Il n'y a pas de ressemblance en aucune de ses attributs, et les attributs de la créature. Il n'y a aucune ressemblance. Après, il dit وَهُوَ فَرْحٌ وَهُوَ فَرْحٌ إِحْسَانٌ. C'est-à-dire, c'est pas une joie de quelqu'un qui a une nécessité de quelque chose ou un besoin de quelque chose, comme par exemple que Allah subhanahu wa ta'ala a besoin de la repentance de ses créatures. Hein? Comme par exemple la personne qui s'est réjouie d'avoir retrouvé sa monture, lui il s'est réjoui parce qu'il a besoin de sa monture. Hein? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, quand il se réjouit parce qu'en fait il a une miséricorde, il a de la douceur et il veut du bien pour sa créature. Et non pas parce qu'il a besoin de son serviteur et qu'il a besoin qu'il se repente ou qu'il a besoin de son adoration. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne reçoit aucun bien, aucun profit lui, aucun intérêt direct de dire que yani, on l'adore ou qu'on le désobéit. C'est-à-dire si on l'adore, ça ne l'augmente en rien, et si on le désobéit, ça ne l'augmente en rien. Tout ce qu'on fait d'adoration et de bien et tout ça, et la repentance qu'on fait, c'est pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes et non pas pour Allah, comme on a expliqué ça plusieurs fois. Donc, il n'y a pas de ressemblance entre la joie d'Allah subhanahu wa ta'ala et la joie qui se retrouve chez les créatures. Ensuite, il explique le deuxième hadith mentionné, le deuxième hadith qui est mentionné pour l'attribut du rire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, yadhaku Allahu ila rajulayn yaqtulu ahaduhuma al-akhar kilahuma yadkhulu al-jannah, muttafaqun alayh. Ça c'est un hadith qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il va rire de deux hommes. Il rit de deux hommes. Allah subhanahu wa ta'ala rit de deux hommes. Un a tué l'autre. Et les deux rentrent au paradis. Hein? Ça c'est incroyable, mashallah, hein. Et Allah subhanahu wa ta'ala rit de deux hommes. Un a tué l'autre et les deux rentrent au paradis. On va comprendre pour quelle raison et qu'est-ce que c'est ce hadith. Le Cheikh dit, وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث سبب ذلك في قوله يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. Donc, le Cheikh dit que dans le hadith, Allah subhanahu wa ta'ala rit de deux hommes, ça c'est expliqué dans la suite du hadith, la raison de ça. C'est-à-dire que, c'est quoi ces deux hommes-là? C'est le premier, c'est un homme qui combat dans le chemin d'Allah, hein, et il se fait tuer, donc il est shahid. Il meurt shahid. Donc c'est un kafir qui l'a tué, et il est donc martyr. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc, le kafir qui l'a tué, Allah subhanahu wa ta'ala le guide et il fait qu'il entre dans l'islam. Et donc lui aussi devient musulman et il va combattre aussi dans le chemin d'Allah, puis il se fait tuer dans le chemin d'Allah et donc il est shahid lui aussi. Et donc les deux rentrent au paradis, hein, un a tué l'autre. Donc ça c'est un exemple des choses qui de deux hommes au sujet desquels Allah subhanahu wa ta'ala va rire. وهذا من كمال إحسان الله وسعة رحمته، فإن المسلم يقاتل في سبيل الله فيقتله الكافر، فيكرم الله المسلم بالشهادة، ثم يمن الله على ذلك الكافر القاتل، فيهديه للإسلام، فيدخلان الجنة جميعا، فهذا أمر عجيب. والضحك يكون من الأمور المعجب أو معجبة التي تخرج أو تخرج عن نظائرها. Le Cheikh il dit que ça c'est exemple, il explique en fait que c'est un musulman qui s'est fait tuer dans le chemin d'Allah par un kafir et il lui a donné donc le shahada et Allah subhanahu wa ta'ala a guidé par la suite ce kafir qui l'a tué. Et il l'a fait entrer dans l'islam, et les deux rentrent dans le paradis. Et donc ça c'est une chose étonnante, et donc le rire, eh ben, ça vient à cause de ce genre de choses-là qui sont étonnantes, et qui sont hors de, yani, de l'ordinaire, c'est-à-dire qui sont spéciales. Yani. Et le cheikh dit, wa shahidu min al hadith, ifbatu al-dahik لله سبحانه وتعالى وهو صفة من صفاته الفعلية التي نثبتها له على ما يليق بجلاله وعظمته ليس كضحك المخلوق. الشيخ يزي لشاهد dans ce hadith là c'est d'affirmer le rire pour Allah سبحانه وتعالى et c'est une de ses attributs parmi les attributs de ses actions et on l'affirme d'une manière qui convient à sa majesté et à sa grandeur et ce n'est pas comme le rire de ses créatures, ok? Il y a différents, même parmi les créatures, il y a différentes formes de rire, ok? Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucune ressemblance entre son rire et le rire de la créature. Et c'est un rire qui convient à sa grandeur, à sa majesté, et qui donc est un rire de perfection, et non pas un rire comme le rire des créatures qui parfois rient pour n'importe quoi, hein? Donc, ça c'est, parfois les êtres humains, on ne rit pas pour, toujours pour les bonnes raisons. Donc, il n'y a pas de comparaison entre Allah et sa création. Ensuite, le cheikh il donne un autre hadith. Et hadith a dit qawluhu, ça c'est les paroles d'Ibn Taymiyyah, il dit qawluhu ajaba rabbuna, ça c'est an Allah ta'ala, ça c'est un autre chapitre, an Allah ta'ala يعجب ويضحك الله سبحانه وتعالى il s'étonne et il rit. Donc il dit عجب ربنا, ça c'est le hadith, عجب ربنا من قنوت عباده وقرب غيره وينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث il dit حديث حسن. Toutefois, le hadith est da'if, jiddan. C'est un hadith da'if, celui-là. Mais, le fait qu'il soit da'if, ça ne change rien au fait qu'on puisse affirmer cet attribut-là à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que l'attribut de al-ajab, al-ajab est attribué à Allah subhanahu wa ta'ala dans d'autres hadiths dans al-Bukhari. Comme par exemple, un hadith rapporté par al-Bukhari, selon Abi Huraira, radiallahu anhu, qui dit, عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. Allah subhanahu wa ta'ala s'étonne au sujet d'un homme qui rentre au paradis enchaîné. Hein? Donc ça c'est un exemple. Hélas, il n'y a pas l'explication de ce hadith-là. Aynam. Au paradis. Aynam. Esclave là, c'est vrai, je crois que c'était une explication, oui. Donc comme le frère a dit, c'est des gens qui sont rentrés dans l'islam, mais après qu'ils ont été pris prisonniers par les musulmans dans le djihad, dans la guerre. Donc une fois qu'ils ont été pris prisonniers, ils ont été enchaînés et ils se sont convertis à l'islam et ils n'ont pas été libérés, hein, puis ils sont morts. Donc ça veut dire quand ils rentrent au paradis, avec les chaînes, encore, donc c'est une chose étonnante. Et le cheikh, donc, il a pas mentionné ce hadith-là, il a mentionné l'autre hadith, et il l'explique. Toutefois, puisque le hadith est daïf, je ne sais pas si ça vaut la peine de même de l'expliquer. C'est un hadith rapporté par Ahmed, l'autre qu'on a mentionné, pas celui des chaînes, l'autre hadith que le cheikh a mentionné. Donc je pense qu'on ne va même pas l'expliquer, parce qu'il n'est pas authentique. Hein. Je vais juste mentionner, même si on n'a pas lu l'explication du hadith, toutefois on peut quand même expliquer c'est quoi le shahid de ce hadith, pourquoi il a mentionné le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit عجب ربنا ou bien عجب الله, c'est-à-dire que Allah s'est étonné. Il dit عجب ربنا قال في المصباح التعجب يستعمل على وجهين أحدهما ما يحمده الفاعل ومعناه الاستحسان والإخبار عن رضاه به والثاني ما يكرهه ومعناه الإنكار والذم له. Donc le cheikh il dit que dans Al-Misbah, c'est un dictionnaire arabe, il y a la mention que At-Ta'ajjub est utilisé pour deux choses, ou de deux façons. La première c'est pour glorifier quelque chose, hein, et donc quand tu dis quelque chose est étonnant, des fois ça veut dire que tu veux dire que quelque chose tu le trouves bon et tu es content de cette chose, d'accord. Et aussi ça peut être utilisé dans le sens contraire, c'est-à-dire quand tu es étonné de quelque chose, dans le sens que tu le détestes ou tu l'aimes pas, tu as pas aimé cette chose-là, et donc tu t'étonnes, c'est comme une manière de critiquer la chose, hein, en voulant dire c'est mauvais, d'accord. Donc ça peut être de ces deux façons-là, ou dans ces deux significations-là. Et ensuite, il dit, ففي الحديث إثبات صفة العجب. Et il dit que ce sont des attributs qui conviennent à la grandeur d'Allah et à sa majesté. وليس كعجب المخلوقين أو كعجب المخلوقين. Ça c'est pas comme l'étonnement des créatures. C'est pas comme l'étonnement des créatures. Donc ça c'est les points qu'on peut extraire de ce hadith là. Et il y a d'autres hadiths également qui sont authentiques dans Sahih al-Bukhari qui mentionnent également cet attribut-là, et même dans d'autres que Sahih al-Bukhari. Donc c'est affirmé dans plein de hadiths aussi. Donc il faut affirmer cet attribut-là et y croire tel que Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné. Et il n'y a pas de comparaison entre les attributs qu'Allah s'est donné à lui-même et celles de ses créatures. Donc on va commencer la semaine prochaine avec les prochaines choses qu'Allah a mentionnées, et puis on va mentionner un point qui est très intéressant aussi et qui est très important en même temps, qui va nous aider à comprendre un peu plus certaines questions au sujet de Al-Asma Sifat, et d'être capable de répondre en même temps à une shubha qui est utilisée par les gens de Bida qui nient les attributs d'Allah. Donc on va revenir à ça la semaine prochaine, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Explique-moi qu'est-ce que tu veux dire, parce que c'est pas clair. Mais tu vois, ça il faut éviter ça. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu essaies d'imaginer comment Allah descend. Et donc il faut pas. Et parce que comme a dit l'imam Malik, Al-Istiwa, à propos de l'Istiwa, on peut dire à propos de l'Nuzul. Al-Nuzul, ma'loum. Wal-Kayf, غير معقول. هو غير مجهول. Hein? Wal-Iman bihi, wajib. Wal-Su'al anhu bid'ah. Donc, c'est-à-dire, le Nuzul, la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est connue. Et le commun, on le sait pas. Et d'y croire, c'est obligatoire. Et de demander au sujet du commun, c'est bid'ah. Donc ça veut dire que ça veut dire qu'on doit affirmer cet attribut, mais pas essayer de l'imaginer dans notre tête. Et l'erreur des gens de bid'ah qui essaient de le nier, c'est qu'ils essaient de l'imaginer. Et à cause du fait qu'ils essaient de l'imaginer, eh ben ils sont tombés dans plein de questionnements et plein de bid'ah qui sont tous faux, ou plus faux les uns que les autres. Hein? Et ça c'est très grave. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais il faut comprendre que faut éviter de penser. Ouais. Parce que si tu commences à imaginer ou à penser, ça vient du shaitan en même temps. Mais tu pourras jamais de toute façon imaginer Allah, même si tu essaies. Non, fait kabarak. Donc les gens essaient d'imaginer, bon, si la terre est ronde, le soleil se couche toujours quelque part, le soleil se lève toujours quelque part, le tiers de la nuit est toujours quelque part sur la terre, où c'est le tiers de la nuit, donc c'est ça. Donc eux ils essaient de faire des choubouhats comme ça, sauf que nous on ne sait pas comment Allah il descend, et on n'a pas le droit d'imaginer ça non plus. Et il n'y a pas de ressemblance entre nous autres de Allah et nous autres de la créature. Donc, on n'essaie même pas de rentrer dans ça. On l'accepte et on y croit et on l'affirme tel quel. en commun ou des choses comme ça. Ça, c'est des choses, ça dépasse notre raison. Notre cerveau est très petit et il ne peut pas comprendre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a limité. Barakallahu fik. Ça c'est bien parce que Allah dit dans le Coran, yas'alunaka 'ani ar-ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila. Donc l'âme qui nous fait vivre, où est-ce qu'elle est dans notre corps, comment elle fonctionne, hein? C'est quoi le lien entre l'âme et le corps? C'est quoi le lien entre le corps et l'âme? C'est quoi les touches, les fonctions, les trucs, comment ils interagissent l'un avec l'autre? On ne sait même pas. Et aucun scientifique est capable de trouver le bouton là, où est-ce que ça fonctionne, comment ça fonctionne, et quand un corps est mort, comment on le fait revenir dans le corps, hein, on ne peut pas. Ouais. Non, ça, oui, mais je veux dire, qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas comment, de quoi, quelle matière elle est faite, est-ce qu'on sait ça? Non, on ne sait pas. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas à propos de l'âme. Et donc, hein, c'est un mystère, une chose mystérieuse, cachée. Donc, nous-mêmes, comme le frère a dit, en nous-mêmes, on ne sait même pas comment on est créé, comment on vit, comment on fonctionne. Alors, comment on va essayer de comprendre le créateur de l'univers, le créateur de toutes choses, le créateur de l'âme? Impossible. Notre cerveau, notre raison est limitée. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis il y a aussi le fait que, je veux dire, la connaissance, elle est infinie, ça, hein. La connaissance est infinie. Et on peut compter le nombre de choses qu'on connaît. Mais on peut pas compter le nombre de choses qu'on connaît pas. Parce que c'est justement assez infini. Donc notre connaissance, elle est tellement minime, c'est rien. Même si toute la connaissance de tous les êtres humains, si on la met ensemble, c'est comme un grain de sel dans l'océan par rapport à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est rien. Hein? Donc il n'y a pas de comparaison. Hein. Ça. Et donc c'est ça, donc l'être humain est limité et faible et ignorant par sa nature. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi dans le Coran? Inna l'insana kana jahula. L'être humain, il est jahul. Ça fait partie de son être. Ça fait partie des attributs de son être qu'il est ignorant par nature. Zaluman jahula. Il est injuste et ignorant. Donc, on sort du ventre de notre mère, on ne sait rien. D'accord? Donc ça, c'est des exemples. Donc ça veut dire que, donc, alhamdulillah, essayer de dépasser la limite et parler à propos des choses qu'on peut même pas connaître, ça c'est de l'ignorance et de l'égarement. Et c'est ça l'égarement des philosophes et des gens de Bida qui les ont suivis, qui vont essayer de parler à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala en se basant sur leur tête, sur leur imagination et sur leur logique. Comment tu peux connaître le raïb? Comment tu peux parler du raïb? Comment tu peux nier le raïb, hein? Comme l'exemple qu'on avait donné une fois à propos de Azab al-Qabr. Tu dis, ah, mais quand quelqu'un est dans sa tombe, il se fait châtier, si tu touches au sol, tu ne sens pas de chaleur, peut-être que tu sens aucune chaleur, tu vas faire un trou, tu vas voir le cadavre ou les os, tu ne vois pas de punition, rien. Hein? Mais ça, c'est un autre monde, c'est al-Barzakh. Et puis, tu vois pas cette dimension-là, parce que c'est une autre dimension. Et ceux qui veulent nier Azab al-Qabr en se basant sur leur sens ou sur leur logique, c'est de l'égarement, c'est de l'ignorance. Donc c'est pour ça, Yannick. On va s'arrêter donc ici, Inch'Allah, puis...